Bien-aimés, décidément, une fois de plus cette année, cette nuit nous rappelle que Noël est vraiment le jour le plus singulier de l'année. Ce jour est singulier pour toute la terre. La naissance de ce petit enfant Dieu demeure et restera à tout jamais l'événement le plus marquant de toute l'histoire, de toute l'humanité. Naturellement, sa mort, sa résurrection 33 ans plus tard sont l'aboutissement de tout. Mais il faut bien l'admettre, la naissance de Jésus n'a pas son pareil dans les événements de l'histoire. L'apparition de Dieu, Dieu fait homme, sous les traits d'un petit enfant, c'est un fait absolument inouï. Le Dieu créateur de tout, de la matière, du temps, de l'espace, Dieu au-dessus de tout, descend dans sa création. C'est le commencement d'une aventure cosmique sensationnelle. Le créateur de l'univers entre dans le temps, plonge dans sa création, devient un élément de sa création, sans pour autant cesser d'être son créateur et de la maintenir dans l'existence. Quel mystère ! Mais ce qui nous touche particulièrement dans cette nuit Noël, c'est que la Providence s'est chargée d'envelopper ce mystère immense de poésie et de tendresse infinie. Partout sur la terre se répand leur parfum lorsqu'on dépose dans les mangeoires de toutes les crèches le petit enfant de la très sainte, de la très pure Vierge Marie, sous le regard attentif de Joseph. Tous les trois abrités par une charpente d'étoiles, réchauffés par le souffle d'un bœuf et d'un âne gris. La pauvreté radicale d'une étable. Le silence de la nuit froide, la danse de la flamme d'une lampe à huile, le matelas de paille blonde, le tintement des cloches et le bêlement des moutons sont ce soir les ornements du plus beau palais de l'univers, du palais de gloire où naquit l'enfant Dieu. Et la petite mangeoire de bois, grossièrement creusée dans le tronc d'un olivier, dans laquelle habituellement les moutons, les agneaux, les bovins viennent mâcher leur pitance, est devenue ce soir le trône du roi de l'univers. Et tout cela se passe dans une paix, dans une douceur, dans une tendresse si intense et si palpable qu'on pourrait les couper au couteau. L'union de cette pauvreté radicale avec l'amour et la gloire infinie, voilà, frères et sœurs, ce qu'est la poésie, la véritable poésie. Cette poésie qui ramène le cœur des êtres à leur humanité. Et c'est toute cette beauté que nous essayons autant que possible d'honorer par nos veillées, par nos liturgies, par les décorations de nos églises, de nos rues, de nos maisons, de nos sapins, par nos crèches, par nos couronnes, nos guirlandes lumineuses, nos cadeaux par milliers, par le chant des cantiques venus du fond des âges, par les petits plats préparés avec amour et servis sur des tables ornées de bougies, de fleurs, de paillettes, nos vaisselles étincelantes. Ce soir, frères et sœurs, partout sur la terre, l'humanité suspend son vol effréné vers la mort. Et elle se tourne vers la vie, grâce à la poésie de Noël. Vers la vie éternelle, ça c'est le miracle de Noël, frères et sœurs. Même sur les fronts de guerre, ce soir, on observe une courte trêve qui permet que ce qu'il y a de plus beau chez l'homme reprenne un instant ses droits. Par-delà les conflits fratricides. Frères et sœurs, n'en doutons pas, ce soir, cette nuit, les anges chantent au-dessus de nos têtes, comme il y a 2000 ans près des bergers de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à tous les hommes qu'il aime. Mais ce soir, à travers le chant des bergers, à travers tout ce que nous vivons ici dans cette église, je voudrais vous faire remarquer combien cet événement que nous célébrons parfois un peu bruyamment est en réalité enveloppé d'un profond silence. Le silence de la crèche. Le silence de la crèche est effarant quand on y pense. Je dirais même que le silence de la crèche est criant. Et en réalité, il est essentiel à cette nuit. Jésus a choisi de naître une nuit, en plein silence. Depuis la nuit des temps, frères et sœurs, vous savez, Dieu n'a cessé de parler aux hommes, de mille manières. Depuis la chute d'Adam et Ève, depuis la catastrophe originelle, la prolifération du mal et de la souffrance sur toute la surface de la terre, la perte du sens de l'existence, la passion effrénée des hommes pour les choses terrestres au lieu de se tourner vers l'amour de Dieu. Et puis surtout, le drame de la déformation du visage de Dieu dans le cœur des hommes, qui ne voit plus en lui qu'un être froid, un être vengeur, un être dur, jaloux, pire même parfois, un être sadique, qui se plairait à distribuer les bons, les mauvais points et faire souffrir et mourir les siens. Combien n'ont pas cette image d'un Dieu père fouettard? Alors il y a eu Abraham, à qui Dieu parla le premier dans le désert, pour en tirer un peuple qui sache écouter Dieu, pour le connaître vraiment. Et puis il y a eu Moïse, berger dans le désert lui aussi, à qui Dieu se révéla dans un buisson ardent, et à qui il donna une loi pour réapprendre à son peuple à aimer Dieu de tout son cœur, et à aimer son prochain comme lui-même. Puis ce fut au tour du roi David et de Salomon qui bâtirent Jérusalem et son temple sur ordre de Dieu, par la bouche des prophètes. Ils bâtirent ce temple magnifique afin d'apprendre à l'homme à adorer Dieu comme il convient. Mais dans tout cela, Dieu demeurait, voyez-vous, comme un inconnu. Il était toujours invisible, il était toujours impalpable, il était toujours étranger, lointain. Il parlait certes, mais du haut du ciel, de sa transcendance. Celui-même qui aurait eu la malchance de croiser le regard de Dieu, tout le monde le savait, il devait absolument disparaître immédiatement. Il était voué à mourir. Et puis, soudainement, un silence se fit dans l'histoire sainte. Dieu cessa de parler aux hommes par la bouche des prophètes. À partir du dernier prophète, Malachie, la voix ne se fit plus entendre durant près de 400 ans. Jésus se tait, Dieu se tait. Ce silence devait progressivement envelopper toute chose. Dans le cœur de certains hommes, ce silence creusait l'attente de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Moïse et à David. L'attente de cette promesse qu'il avait faite de donner à Israël un jour un roi qui serait roi universel, roi sur l'univers tout entier. Et avec ce roi, un royaume éternel, une terre promise à toutes les nations, regorgeant de lait de miel, où régnerait la justice et l'amour. C'est donc un long silence qui devait précéder l'arrivée de ce roi, la venue de Jésus. Il était absolument nécessaire ce silence, frères et sœurs, pour préparer l'univers à cet événement. Et alors que le silence était devenu assourdissant, la parole de Dieu, de nouveau, s'est mise à retentir. Mais cette fois-ci, en prenant chair, dans le sein d'une Vierge, la Vierge Marie. et en se faisant voir sous les traits d'un nouveau-né. Bien-aimé, l'enfant Jésus de la crèche n'est pas seulement un enfant magique, comme j'ai entendu l'autre jour. L'enfant Jésus de la crèche, c'est bien plus qu'un enfant magique. C'est même tout autre chose. Parce qu'en fait, l'enfant de la crèche, c'est en réalité toute la parole de Dieu. Une parole tout entière qui s'est faite chair. Jésus est le Verbe divin. Vous connaissez ce verset de l'évangile de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que Jésus est tout ce que Dieu peut dire sur lui-même. Tout. Il est la plus parfaite expression de Dieu pour nous. Vous comprenez, ce que Dieu veut dire sur lui-même ne peut pas rentrer dans des livres. La Bible ne peut pas contenir tout ce que Dieu veut dire sur lui-même, puisque Dieu est infini. Alors, il a fallu que Dieu prenne chair, qu'il se fasse homme, qu'on le voie comme une personne avec tout son mystère infini. Pensons-y ce soir. Tous ceux qui contemplent Dieu, tous ceux qui contemplent Jésus dans la crèche, vous tous ce soir, nous tous, nous contemplons Dieu. Tous ceux qui écoutent Jésus parler dans leur cœur, écoutent Dieu. Tous ceux qui touchent Dieu à travers tous les signes de la liturgie, à travers en particulier les sacrements, tous ceux qui touchent Jésus touchent Dieu. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, Dieu nous rappelle qu'il accomplit toujours ses promesses, mais qu'il a besoin, comme ce soir, que nous fassions silence, nous aussi. Que nous acceptions le silence de Dieu pour que sa parole puisse retentir dans notre vie. J'entends souvent dire, mon Père, je parle au bon Dieu, je lui parle tous les jours, je lui demande plein de choses, mais il ne me répond pas. Eh bien, d'une part, Dieu ne peut pas répondre si tu parles tout le temps. Et d'autre part, la réponse de Dieu vient toujours au milieu du silence. La réponse de Dieu vient toujours après un silence et parfois un long silence. Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Dieu fait silence parce qu'il veut te révéler son Verbe éternel. Quant à la pauvreté de nos âmes, notre pauvreté, la pauvreté de nos cœurs, parfois si faible, si fragile, eh bien, elle est précisément, comme la crèche, le lieu où Jésus veut descendre. Veut descendre dans un silence pour y répandre sa tendresse, son amour et sa douceur. Frères et sœurs, ce soir, si nous nous sentons petits, si nous nous sentons faibles, si nous nous sentons un peu misérables, un peu cabossés, et si nous acceptons le silence de Dieu, il se pourrait bien qu'il nous parle. Il se pourrait bien qu'il soit déjà en train de parler à notre âme et de se révéler à nous et de nous dire la seule parole qu'il ait envie de nous dire. Je t'aime. Voyez-vous, frères et sœurs, entendre son épouse, son époux dire « je t'aime », c'est merveilleux. Entendre ses enfants dire « papa, maman, je t'aime », c'est merveilleux. entendre Dieu dire au fond de notre cœur « Je t'aime », ça n'a rien de comparable. Alors ce soir, frères et sœurs, pour que le miracle de Noël soit complet, il s'agit pour nous de faire silence, d'attendre que Jésus, la parole de Dieu, la seule parole et toute la parole de Dieu sur lui-même résonne en nous, en contemplant ce petit enfant de la crèche. Dans quelques instants, nous allons dire le credo, et au milieu du credo, nous allons nous arrêter. Après les paroles, il s'est fait homme. Nous nous mettrons à genoux, comme la tradition l'exige, le soir de Noël, et nous resterons en silence quelques instants, comme un appel à Jésus pour qu'il vienne nous parler. Laissons Dieu descendre sur la terre en descendant au fond de nos âmes, dans la crèche de nos cœurs, pour qu'il puisse nous parler et nous dire qu'il nous aime et qu'il veut tous nous sauver. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.